RTL de Massif de Savoie. Les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Fort des Rousses, Cave d'Exception, Comté d'Exception, Nordique Magazine, le média numéro 1 du Nordique en France et en Suisse romande. Et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. Et oui, on se retrouve. De 18h à 19h, retour sur les résultats du jour, les analyses des journalistes de Nordique Magazine, mais aussi les tops, les flops et un avant-goût des courses du lendemain. Du 10 au 21 février, RTL de Massif de Savoie se met à l'heure biathlon avec le comté Juraflore, Nordique Magazine et les saisies. Et oui, on se retrouve sur les ondes. J'étais pressé vraiment parti trop vite. Ouais, de retrouver cette heure biathlon avec encore plein de choses aujourd'hui. Bonjour, c'est Pierre. On se retrouve donc ce samedi pour une nouvelle heure biathlon avec la rédaction de Nordique Magazine et en studio Thomas Bray. Bonjour Thomas. Salut Pierre, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de sprint. On va parler du sprint dames des championnats du monde donc de biathlon. Alors le sprint, hein, c'est 7,5 km. C'est un tir couché, c'est un tir debout. Un format qui a plutôt bien réussi hier aux garçons. Et on va voir qu'aujourd'hui, on a un nouveau podium. Et oui, troisième jour de course sur ces championnats du monde et troisième médaille française, effectivement, avec Anaïs Chevalier-Boucher. On y reviendra, bien sûr, dans cette heure que l'on va passer donc ensemble, de 18h à 19h, comme chaque jour de course sur les championnats du monde de Poluca. On est ensemble pour justement débriefer, analyser un peu ce qui s'est passé sur les pistes et le pas de tir de Poluca en Slovénie, et donc le sprint dames en l'occurrence aujourd'hui. On aura pour cela Florian Burgo qui sera avec nous tout à l'heure pour justement débriefer et nous dire ce qui s'est passé sur ce sprint dames. Ça sera le premier temps de notre émission. Ouais. Ensuite, on retrouvera notre invité du jour. Alors c'est qui aujourd'hui? Et alors aujourd'hui, on va taper dans la Fédération Internationale, mais également la Fédération Française de Ski. C'est notre monsieur biathlon de la Fédé Internationale. C'est Christophe Vassallo qui sera avec nous en direct. Voilà, un puits de science et d'information et de statistiques. C'est Christophe Vassallo qui sera là avec nous en direct. Et on est très heureux de le recevoir pour justement avec lui notamment faire le focus sur les Françaises et le comportement de nos Françaises aujourd'hui sur ce sprint dames. Ça sera donc le deuxième temps. Et puis ensuite, on enchaînera avec Arthur Massot qui viendra nous rejoindre. On sera encore avec Christophe Vassallo pour le troisième temps de cette émission. On essaiera d'analyser, de voir ce qu'est pour eux le top du jour, la performance du jour sur ce sprint dames. Et puis on terminera comme d'habitude avec notre flop, notre déception du jour sur ce sprint féminin. Et on en profitera également avec Marie Lobobinec dans cette dernière partie pour introduire les courses de demain avec un gros programme. Demain, deux courses au programme, dimanche demain avec les poursuites, la poursuite homme d'abord et la poursuite dame ensuite. Alors à savoir que ces poursuites sont liées aux résultats justement des courses d'aujourd'hui et d'hier. Bien sûr, on prend le classement et les écarts de temps réalisés aujourd'hui sur ces épreuves de sprint. On qualifie les 60 premiers et les 60 premières qu'on lance donc demain sur ce format de la poursuite avec un format là à 4 tirs. Donc le tir va encore être une nouvelle fois prépondérant. On verra ça avec Marie en fin d'émission. Allez, encore un super programme que tu nous as préparé, Thomas, tout ça grâce à la rédaction de Nordique Magazine. On accueille Florian pour le débrief de la course du jour tout de suite. RTL de Massif de Savoie. Les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Fort des Rousses, Cave d'Exception, Comté d'Exception, Nordique Magazine, le média numéro 1 du Nordique en France et en Suisse romande. Et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. On revient sur les ondes, toujours en direct du studio RTL2, Massif de Savoie, pour faire le débrief de ce sprint dames d'aujourd'hui. On accueille Florian. Et oui, Florian Burgo, donc de la rédaction de Nordique Mag, qui, comme chaque jour de course, va nous faire le débrief de cette course. On était sur un sprint dames aujourd'hui. Salut Florian. Salut, bonjour à tous. Alors avec une nouvelle médaille pour le clan français, évidemment, on va débuter ce débrief par cette bonne nouvelle avec donc Anaïs Chevalier-Boucher en argent sur ce sprint dames. Malgré les températures basses et du vent sur le pas de tir de Pokljuka, la dauphinoise Anaïs Chevalier a brillé cet après-midi lors du sprint grâce à un 9 sur 10 et le meilleur temps de ski. Elle remporte la médaille d'argent. Et c'est sa cinquième médaille dans des championnats du monde, la deuxième en individuel après le bronze du sprint en 2017 sur le site d'Orfilsen. Oui, et puis une troisième médaille donc pour le clan français après le joli doublé des garçons hier sur le sprint. Et puis une vainqueur norvégienne sur ce sprint dames. Elle s'appelle Thierry Lekhoff. C'était la grande favorite de ce sprint dames et elle remporte le titre mondial, la norvégienne. Oui, c'est resté sur trois victoires de suite en Coupe du Monde. monde et elle a vraiment été injouable ce samedi après-midi avec un 10 sur 10 et une grosse vitesse sur les skis comme d'habitude. Donc elle s'impose avec une grosse dizaine de secondes d'avance sur Anaïs Chevalier pour remporter son deuxième titre mondial du sprint après celui décroché en 2016 à la maison à Oslo. Et puis une nouvelle victoire et un nouveau titre mondial qui lui permet aussi, puisque on le rappelle, les courses de ces championnats du monde comptent également pour le classement général, qui lui permet donc à Thierry Lecoff de prendre la tête de ce général. Elle sera en jaune, c'est ça? Oui, elle sera en jaune puisque Marthe Holsbourg-Roiseland, qui était leader de ce classement général, a terminé à la 6e place. Et comme seulement 8 points séparaient les deux femmes avant cette course, maintenant Thierry Lecoff en compte 14 d'avance. Et il faut savoir que c'est une bagarre à 3 puisque la Suédoise Anna Öberg, 10e aujourd'hui, est à 30 unités. Et puis ça nous promet aussi évidemment de belles poursuites pour demain avec donc 10 athlètes dans ce sprint dames qui sont sous la minute avec, tu l'as dit, Anna Öberg qui partira demain avec le dossard numéro 10. Voilà pour ce débrief de la course. On reviendra évidemment sur la performance de nos Françaises aujourd'hui. Merci Florian pour ce débrief donc du sprint dames. Merci Florian, merci Thomas. Et Thomas, on va retrouver dans très peu de temps notre invité du jour. Tu peux nous le représenter? Et oui, c'est Christophe Vassallo qui sera avec nous. Voilà le monsieur IBU de la Fédération Française de Ski, mais pas que. Voilà, il a un beau palmarès également à son actif avec une carabine sur le dos. On y reviendra peut-être un petit peu avec lui. Mais c'est surtout quelqu'un de très influent dans le biathlon mondial et dans le biathlon français. Donc nul doute qu'il sera très très intéressant à écouter tout à l'heure pour justement faire ce focus sur les Français. Ça sera notre deuxième partie de l'émission. Et oui, on retrouve Christophe Vassallo en direct sur RTL de Massif de Savoie dans un instant. RTL de Massif de Savoie, les championnats du monde de biathlon avec le comté Jura-Fleur, Nordic Magazine et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. Et oui, on revient en direct du studio RTL 2 des saisies. Thomas, on a bien, je crois, Christophe Vassallo avec nous. Et oui, on ouvre la troisième partie de cette émission avec effectivement Christophe Vassallo qui est avec nous. Salut Christophe. Bonjour à tous. Christophe Vassallo, donc voilà, on a l'honneur d'avoir un président en direct avec nous, président du bureau technique de la Fédération internationale de l'IBU, mais pas que, également responsable développement au sein de la Fédération française de ski, le monsieur sport de l'organisation de la Coupe du Monde du Grand Bornand. Enfin bref, un monsieur biathlon qu'on est très heureux d'avoir dans cette heure biathlon avec nous. Christophe, notamment avec toi dans cette partie, eh bien, on va évoquer un peu la course de nos Françaises aujourd'hui. Et évidemment, on ne peut pas commencer cette émission sans en parler et sans commencer par Anaïs Chevalier, avec d'ailleurs un petit sonore, tiens, qu'on va te faire écouter avant de te faire réagir. C'est Anaïs Chevalier qui réagit juste après sa course sur ses excellentes sensations du jour. C'est top, j'étais un peu juste par rapport à la proc qu'on a fait, j'étais encore un peu juste sur le relais mixte, je sentais que j'avais pas tout à fait digéré ce que j'avais fait, mais vu les sensations de jeudi et d'hier, je me suis dit que je me sentais bien hier, je me sentais vraiment très bien, donc j'avais dans un coin de ma tête, je me disais que ça allait rouler aujourd'hui, meilleur temps de ski, franchement je l'ai jamais fait, hein. Donc c'est trop bien, je suis trop contente. Oui, Christophe, Anaïs, qui a été impressionnante sur les skis, elle le dit elle-même, le meilleur temps de ski aujourd'hui, elle prend cette médaille d'argent avec un 9 sur 10, elle a vraiment été impressionnante aujourd'hui sur la piste. Ouais, c'est certain, on le voit dans ce qu'elle dit, hein. D'ailleurs, après le gros loupé du relais mixte, mais surtout qui se situe au niveau du tir, on l'avait déjà vu, qu'elle était bien sur les skis, même si elle dit qu'elle sentait qu'elle avait encore un peu à digérer sa préparation. Mmh. On la voyait venir. Et puis là, vraiment, ce qu'elle a montré aujourd'hui sur les skis, elle a fait une course pleine. Dès les premiers intermédiaires, elle joue devant. Elle tient, elle fait un super dernier tour pour aller même grappiller une place et se mettre un peu à l'abri jusqu'à la fin de l'épreuve, hein, puisque troisième, à ce moment-là de la course, c'était le risque que quelqu'un l'éjecte du podium. Eh oui. Donc, elle est même allée chercher un peu cette place un peu qui rassure. Et là, meilleur temps de ski, c'est pas rien quand même, parce qu'il y a des grandes, grandes clientes en face. Ouais, il y a des grandes clientes, et puis on voit que c'est une piste et un stade sur lequel il y a quand même des écarts, hein, qui sont faits sur la piste. Ouais, je pense que c'est il y a plein de raisons à ça. Je pense bon déjà c'est il y a un peu d'altitude, hein, là-bas. Mmh. on n'est pas très bas. Je pense qu'il y a quand même une grande fatigue qui s'est installée. Les championnats du monde ils s'inscrivent en biathlon à un moment où on a bien déjà tiré sur la machine. Hein. On a eu un gros mois de janvier avec des compétitions difficiles, 2 semaines à Oberhof, enchaînée à Antols, où là on retrouve de l'altitude à 1600 mètres, une petite période de récup, et pour certains athlètes, même pas la chance de rentrer chez eux, donc pas cette occasion de changer d'air, se changer un peu les esprits. Donc tout ça, je pense, ça installe un peu de fatigue. Et puis il y a les conditions, on a vu, l'équipe est arrivée, il neigeait, beaucoup de neige, donc des pistes difficiles à préparer, donc très dur à emmener les skis. Et puis là, un grand froid aujourd'hui, donc on imagine des neiges sèches qui freinent les skis où il faut s'employer. Donc la moindre baisse de forme, elle se paye pas forcément sur un premier tour, mais sur l'enchaînement des tours, ça crée des écarts. Et c'est ce qu'on a vu surtout dans le dernier tour. Et c'est là qu'on voit à quel point Anaïs est en forme, puisque elle, pour le coup, elle a plus que tenu, puisqu'elle a même réussi à accélérer dans le dernier tour. Ouais, ça permet même peut-être de faire la transition avec Justine Bresas, qui elle, on a senti qu'elle s'est accrochée derrière la carabine, elle a vraiment pris son temps, elle était dans une période, une fenêtre météo qui n'était pas forcément très favorable, mais sur les skis, il en manquait un petit peu, elle termine aujourd'hui à 1 minute 30. Tiens, je te propose d'écouter d'ailleurs la réaction de Justine, qui, je crois, a pris un petit coup derrière la tête quand même aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 1 sur 10, c'est pas la place que j'espérais sur les championnats. Enfin bref, c'est comme ça, c'est la règle du jeu et je perds beaucoup de temps sur la piste aussi. Je l'explique pas, je me sens en forme. Peut-être que j'ai un ski qui rend pas, c'est une neige très lente. Je sais que les championnats sont longs, mais je prends un petit coup à la tête là. Ouais, c'est comme ça. Ouais, Justine qui est donc 25e aujourd'hui à 1 minute 30. Comment tu reçois ce qu'elle nous dit là, Justine? C'est vrai que c'est dur pour Justine. Elle arrive avec plein de prétentions. Donc là, je la comprends, elle est déçue. Enfin, elle était partie pour jouer vraiment devant. Par contre, bon, on voit sa course. C'est vrai que c'est les championnats du monde, hein, donc et tout le monde a les dents qui raillent le parquet. Chaque seconde est importante, donc c'est vrai qu'elle en laisse pas mal sur le temps de tir. Sur la piste, elle fait une course régulière, on va dire, mais c'est vrai, elle n'est pas en grande forme. Donc elle perd des secondes sur chaque tour, même si on ne peut pas parler d'une défaillance. Hein, c'est juste, elle est un petit peu en dessous. Et ce qui est un peu malheureux pour elle, c'est qu'elle est... Depuis le début de saison, elle enchaîne, elle oscille un peu entre des très bons tirs et puis des courses où elle passe à côté. Et là, aujourd'hui, on peut dire qu'elle a fait le job en termes de résultats avec une seule péna, ce qui était vraiment acceptable. Quand on voit qu'Anaïs, avec une seule péna, elle a une médaille d'argent. Donc une grande Anaïs, une grande Justine, comme on peut la connaître, avec un tir comme ça, sur une course, quand tout se passe bien, elle aurait pu jouer aussi devant. C'est pas le cas, mais c'est vrai que tout le temps qu'elle perd au tir, on le voit, alors elle doit construire son tir pour arriver à ce résultat. C'est des secondes qui s'envolent et qui, pour les rattraper, il faut être super, super en ski, ce qui n'était pas vraiment son cas aujourd'hui, malheureusement. Mais je comprends sa déception. Ouais, avec des courses aussi totalement différentes pour nos deux autres Françaises, avec Julia Simon qui, avec un 6 sur 10 aujourd'hui, réalise quand même le 8e temps de ski, donc avec aussi là des notes d'espoir pour la suite des championnats du monde pour Julia. Julia qui termine 28e, donc à 1:47, et puis Anaïs Bescon est un petit peu plus loin, 34e avec un 8 sur 10 aujourd'hui. Elle est à 1 minute 54 de la vainqueur du jour. Voilà pour ce point, ce débrief sur les Françaises. Merci Christophe, tu restes avec nous pour la partie suivante. Bien sûr, on accueillera Arthur avec nous pour cette discussion sur le fait du jour, la performance marquante du jour. Merci Christophe. Avec plaisir. RTL de Massif de Savoie, les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Nordic Magazine et les Saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. Et oui, on est de retour sur les ondes, Thomas, avec deux invités maintenant, Arthur, Nordic Magazine, et on retrouve bien sûr Christophe Vassallo. Et oui, Christophe et Arthur qui sont donc avec nous pour entamer cette nouvelle partie dans l'émission où on va parler du fait du jour, de la performance du jour, et notamment avec Arthur, puisque effectivement sur ce sprint et sur ce podium, personne ne l'attendait, pourtant c'est bien elle qui décroche cette médaille de bronze derrière donc Thierry Lecoff et Anaïs Chevalier-Boucher. C'est Anna Sola qui décroche cette médaille de bronze aujourd'hui, Arthur. Oui, bonjour Thomas, merci de m'accueillir sur RTL2. Effectivement, c'est un petit peu l'invité surprise du podium du jour, comme tu le soulignais. Anna Sola, qui fêtera ses 26 ans mardi, elle a donc terminé 3e du sprint cet après-midi. Alors c'est évidemment son premier podium à ce niveau, en tout cas en championnat du monde. Et le premier d'ailleurs pour dans un rendez-vous international pour une Biélorusse femme depuis la retraite de Daria Dobracheva. C'était au JO 2018, son dernier succès, sa dernière médaille. Et donc de nombreuses fois, pourtant, Anna Sola a tourné autour du podium, régulièrement rapide sur les skis. Il lui manquait souvent un petit truc pour franchir le cap. Et souvent, sur les derniers tirs, avec la pression de l'enjeu, eh ben, elle craquait. Aujourd'hui, elle a réalisé un solide 10 sur 10 grâce à un tir rapide. Elle était ressortie deuxième du pas de tir, il me semble, et elle a fini par accrocher la troisième place. Et du coup, elle apporte, évidemment, comme je le disais, la première médaille des championnats du monde pour la Biélorussie cette année. Oui, Anna Sola, qui n'est pas la plus connue des biathlètes, elle a quel parcours, cette Biélorusse ? Eh bien, Anna Sola, elle était assez précurseuse. Elle est arrivée très jeune à la Coupe du Monde, elle avait 19 ans seulement. Et très vite, il y avait des premiers espoirs autour d'elle. Elle a performé, elle a accroché ses points dès sa première étape de Coupe du Monde, c'était à Östersund en 2015. Et récompense de ceci, pour sa première année sur le circuit, elle a participé aux Mondiaux d'Oslo en 2016. Mais après ses premiers résultats encourageants, elle a longtemps cherché sa prestation référence, au point d'être reléguée deux saisons en IBU Cup. Et du coup, elle n'a pas participé au relais olympique victorieux en 2018. Elle a ensuite réintégré la saison suivante la Coupe du Monde et le relais biélorusse. Voilà, maintenant, elle est un de ses éléments forts. Elle a beaucoup appris auprès de Daria Dobracheva et maintenant par la jeune Aline Bekava. Les résultats commencent à venir depuis quelques mois. La saison dernière, peut-être plus mature, elle a commencé à se montrer. Elle avait terminé quatrième à Ruppolding, elle n'était pas loin. Et s'il reste surprenant, le podium du jour récompense ses efforts, et notamment sur le pas de tir. Voilà, donc le podium du jour et la performance du jour pour Arthur, c'est donc Anna Sola. Christophe Vassallo, qu'est-ce que tu as retenu, toi, de ce sprint dame pour toi ? La perf du jour, c'est quoi ? C'est qui ? Ouais, déjà, ce que je retiens, c'est bravo Arthur, hein, chapeau. Alors là, grande culture, là, parce que je suis bluffé. Ça bosse, je suis Nordic Mag. Hein. J'avoue, j'ai pas tout fait de tête. Non, bien, c'est super. C'est bien, non, j'adore. Il n'y a pas que les grands champions qu'on voit sur le devant qui doivent être connus et mis à l'honneur comme ça. C'est super pour cette jeune. Moi, Sola, je la connais depuis les années 13-14 parce qu'elle l'a vu arriver dans les courses juniors. Donc, elle fait partie de cette équipe biélorusse, bien sûr, depuis pas mal de temps. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Arthur. Là, ce que je peux dire, c'est que les championnats du monde, que ce soit les championnats du monde ou les Jeux, il y a toujours ce petit côté magique où il y a un peu l'outsider là, qui profite un peu des petites brèches qui s'ouvrent quand certains favoris passent un peu à côté. Je pense que les Français, on est bien placés pour le dire, puisque ça nous est arrivé à plusieurs reprises, hein, sur des grands championnats. Donc moi, je trouve que c'est un peu la spécialité des Américaines aussi. Souvent, c'était le cas d'Américaines ou d'Américains qui nous surprenaient. Tout à fait. J'ai bien regardé Dunkley aussi aujourd'hui, parce qu'elle nous a fait une médaille l'an dernier aux Mondiaux. Et là, elle était plutôt pas mal aujourd'hui. Donc ouais, typiquement, les Américains sont forts aussi comme ça. Ouais. Et puis Sola, ben, c'est vrai qu'on attendait plus Aline Bekava là, au vu des résultats de début de saison, qui est passée à côté. Hein. Donc c'est elle qui prend la relève, là, qui fait honneur à la nation Belarus, qui a une équipe surprenante quand même. Hein. Bon, elle nous avait surprise en gagnant le relais au jeu, hein, cette équipe sans Sola. Mais depuis le début de saison, on les voit progresser. Et c'est une fille qu'on voit aussi l'été sur les championnats du monde d'été, qui fait des bons résultats sur ses courses en ski à roulettes. Et là, bon, on la voit aussi dans les relais, hein, depuis deux saisons à peu près. Hein, c'est la troisième saison où elle figure régulièrement dans le relais biélorusse. Et je pense que c'est là aussi qu'elle s'est un peu décomplexée au contact des meilleurs sur la piste pour progresser. Et puis, en tout cas, elle a bien fait de croire en ses chances aujourd'hui. Et elle nous a bien fait peur dans le dernier tour. Hein. Ouais, elle nous a fait peur pour la médaille, effectivement, d'Anaïs. Christophe, un petit mot également sur ces courses du jour, puisque voilà, il y avait, malgré le contexte sanitaire, il y avait un petit peu de public, hein, quand même, sur Paul Yuka aujourd'hui. Oui, il y a un petit peu de public. Alors, c'est au départ, c'est un peu un huis clos, hein, les championnats du monde, comme beaucoup d'événements sportifs, ou quasi la plupart des événements sportifs aujourd'hui. Sauf qu'à Pokljuka, les autorités ont autorisé à accueillir une petite jauge de public pour quelques centaines de personnes. Et donc, la décision là-bas a été prise de donner cette chance au corps médical, à condition qu'ils aient reçu la double dose de vaccination. Donc, c'est une manière de rendre hommage à tous les efforts qu'a pu accomplir le corps médical depuis le début de la pandémie. Je trouve ça très bien. Et voilà, ça permet d'avoir quand même une petite ambiance, et ce qui fait toujours du bien. Ouais, ouais, c'est vrai que les athlètes le font remarquer souvent, hein, que cette ambiance manque, évidemment. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Arthur, pour ce débrief et ce fait du jour. C'est fait du jour. On va te remercier, Christophe, d'avoir été avec nous en direct sur les ondes dans cette heure biathlon. Merci beaucoup. Et puis, on va te souhaiter une bonne suite de championnat du monde aussi. Pour une fois que ce n'est pas toi le DT, tu peux en profiter un petit peu à la maison. Oui, j'en profite tout à fait. Et c'est bien de voir ça un peu de plus loin. Puis merci à vous de m'accueillir sur votre antenne. Vraiment, j'adore ça, et pas de soucis pour continuer. Et ben on te retrouvera peut-être très prochainement. Un grand merci à toi, effectivement, Christophe. Et puis Arthur, on se retrouve dans un instant pour faire le point justement sur ce qui a moins bien marché aujourd'hui et puis sur les courses du lendemain. RTL de Massif de Savoie, les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Nordic Magazine et les Saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. Et oui, on revient en studio RTL 2 Massif de Savoie aux Saisies. Il est 18h50 et c'est le moment, Thomas, pour nous, d'accueillir Arthur et Marie, toujours la rédaction de Nordic Mag, qui s'est vraiment mobilisée pour l'ensemble de cette heure biathlon. Et avec eux, on va parler des choses qui ont un petit peu moins bien marché et puis des courses du lendemain. Et oui, c'est déjà la quatrième et dernière partie de cette émission avec effectivement les flops, les déceptions du jour et puis bien sûr les présentations des courses du lendemain. On accueille pour cela Marie Le Bobinec. Salut Marie. Salut Thomas, bonjour tout le monde. Et Arthur également qui est toujours avec nous pour lui aussi nous faire part de son flop, de sa déception du jour. On va débuter par Marie, puisque si on avait donc une Biélorusse sur le podium, on en a une qui fait un petit peu la grimace. C'est Dinara Halimbekova aujourd'hui, seulement 40e sur ce sprint. C'est ton flop du jour pour toi, Marie? Ouais, complètement. Comme l'a évoqué Christophe tout à l'heure, on n'attendait pas tellement Sola. Si on attendait une Biélorusse, c'était plutôt Halimbekova qui était en super forme cette saison, vraiment au top sur pas mal de courses. Et aujourd'hui 40e, c'est le pire résultat de sa saison. C'est la seule favorite qui est passée à côté aujourd'hui. Et en plus de terminer 40e et de devoir cravacher demain pour remonter dans le top 20 au moins, elle a perdu le maillot bleu et c'est Elvira Berg qui l'a récupéré pour 13 points. Ouais, elle perd gros, elle perd beaucoup de points, classement général, effectivement, comme tu le dis également, ce dossard bleu distinctif. Arthur, pour toi, tu es parti du côté de la Norvège et de Marte Olsbu-Røiseland aujourd'hui, qui elle aussi perd gros sur ce sprint. Ouais, et décidément, on a un peu dur avec les Norvégiens, parce que ici, dans leur biathlon, hier, on critiquait les hommes alors qu'ils étaient dans le top 10, et aujourd'hui, je pointe du doigt Marte Olsbu-Røiseland, qui est pourtant sixième. Bon, si je me permets de la critiquer, c'est car on ne parle pas de n'importe qui. Mais donc du coup de la dossard jaune, enfin de l'ex-dossard jaune. On savait, on en a parlé hier, que l'écart avec Thierry Lecoff était minime. Et ce qu'on présentait depuis plusieurs semaines est arrivé. Røiseland a laissé le dossard jaune à sa compatriote, qu'il portera du coup dès demain sur la poursuite. Alors en cause, ces deux erreurs sur le debout, qu'elle n'a pas réussi à expliquer en zone mixte. Et malgré tout, une sixième place, la meilleure pour une biathlète à deux fautes aujourd'hui, grâce à son bon temps de ski. Mais ce qui est surtout inquiétant, c'est la dynamique suivie par la Norvégienne. Elle n'est plus montée sur le podium depuis 6 courses et n'a plus gagné une course depuis la deuxième étape d'Ochfilzen, c'était en 2020. Autant dire que son retour aux avant-postes est attendu et vite, le gros globe est en jeu. Et oui, elle partira donc demain sur la poursuite avec 44 secondes d'écart sur la nouvelle leader donc de ce classement général. Et puis moi, si je devais donner mon flop du jour, ce serait plutôt du côté de la République tchèque avec le collectif tchèque qui n'aura qu'une seule représentante sur cette poursuite. C'est Markéta Davidova, mais qui est très loin, qui est 44e. Donc voilà, c'est un peu la Berezina du côté des Tchèques. On ouvre maintenant la présentation des courses de demain. Je dis bien des courses puisqu'il y en a deux demain sur ce programme de dimanche avec les poursuites avec toi, Marie. Et on débutera ce programme donc demain par la poursuite masculine avec bien sûr un champion du monde en titre qui se nomme Emilien Jacquelin qui aura le dossard distinctif doré du champion en titre. Ouais, dossard doré pour Emilien parce que donc voilà, il s'est imposé l'année dernière devant Johannes Bö et Alexander Loginov. Tout le monde se rappelle de ce dernier tour épique avec sa victoire au sprint face à Johannes Bö. Donc voilà, Emilien, il part un peu, je ne vais pas dire favori, mais en tout cas, il a une grosse pancarte au-dessus de la tête pour demain. D'autant que voilà, il a 11 podiums en carrière et sur ces 11 podiums, il y en a 8 qu'il a réalisés sur des courses à confrontation directe, donc poursuite ou ma start. Donc vraiment, c'est les formats à 4 tirs, c'est vraiment son domaine. Donc je pense qu'il attend la poursuite demain avec impatience. Ouais, et outre Émilien Jacquelin du côté des Français, bien les autres Français, les autres tricolores sont là, ils sont placés également, hein. Ouais, tout à fait. Donc on a Simon Détieux qui a fait donc cette magnifique deuxième place hier. Donc carrément placé pour demain. Il est seulement à 11 secondes de Ponsiluoma. Émilien seulement à 13 secondes. Donc voilà, ça va être une course vraiment très très serrée. Quentin est sixième à 24 secondes. Antonin 14e. Donc vraiment, il y a de quoi remonter très largement sur le devant de la scène demain. Et puis si on passe maintenant dans la présentation de la course féminine, là on a une championne du monde en titre qui s'appelle Dorothea Wierer, mais pour elle ça va être compliqué hein, d'aller défendre ce titre. Ouais, très compliqué pour Dorothea, elle a terminé seulement 20e aujourd'hui sur le sprint. Et en plus à 1,22, donc contrairement à la course des garçons qui a des écarts très faibles, les filles, les écarts sont très élevés, donc ça va être très compliqué de revenir. Encore que Dorothea Wierer, c'est une très très bonne tireuse, et cette année elle avait terminé 31e du sprint d'Oberhof au mois de janvier, et elle était remontée à la 7e place avec un très beau 20 sur 20, donc sur un malentendu, ça peut passer. Et puis du côté des Françaises, on attend évidemment beaucoup d'Anaïs Chevalier-Boucher en argent aujourd'hui, qui ne partira qu'avec 12 secondes d'écart hein, sur Thierry Lecoff demain. Ouais, Anaïs, vraiment au coude à coude avec Cyril demain. Et en plus, à se rappeler que sa première victoire en Coupe du Monde, Anaïs, sa première et unique victoire en Coupe du Monde, c'était sur une poursuite. Et elle avait terminé la veille deuxième du sprint. Donc voilà, on attend beaucoup d'Anaïs demain. Mais Thierry Lecoff sera à nouveau redoutable. Hein, et elle l'a été tout au long de cette saison sur les sprints, mais aussi sur les poursuites. Ouais, c'est ça. Hier, on l'annonçait grande favorite à la victoire pour le sprint. Elle nous a pas démenti. Et elle est aussi grande favorite sur la poursuite. Cet hiver, il y a eu 4 poursuites et elle en a gagné 3. Et en plus, c'est une domination 100% norvégienne parce que c'est Marte Olsbu qui a gagné la seule poursuite qui a échappé à Thierry Lecoff. Et bien voilà, on en termine. Juste peut-être, Arthur et Marie, un dernier mot. S'il faut avoir un pronostic pour demain, le vainqueur de la poursuite masculine, le vainqueur de la poursuite dame. Pour toi, Arthur, tu vois qui demain titrerait? En toute objectivité, ce sera Émilien Jacquelin et Anaïs Chevalier. En toute objectivité, bien sûr. Ok, parfait. De ton côté, Marie? De mon côté, en toute objectivité, ce sera Émilien Jacquelin. Et côté féminin, allez, je vais essayer de ne pas rester franco-française. Et pour éviter encore les Norvégiennes, je vais mettre une petite pièce sur Lisa Hauser. Eh bien, voilà, les pronostics sont lancés. On va en terminer. Merci beaucoup pour cette heure passée ensemble. Merci à tous les intervenants et nos invités. On parle de l'invité, tiens, Christophe Vassallo. J'en profite juste pour vous dire qu'il y a un très beau portrait de Christophe Vassallo dans le dernier Nordic Magazine. Okay. Donc voilà, si vous ne connaissez pas cet homme-là, qui est un des grands monsieur du biathlon mondial et tricolore, n'hésitez pas à aller vous procurer ce Nordic Mag qui vient tout juste de sortir. Et puis, puisqu'on parle de l'invité, eh bien demain, on sera avec une championne olympique qui sera avec nous. Ça sera Florence Bavrel qui sera au micro pour débriefer les poursuites donc demain. Ben, j'ai hâte d'être à demain où effectivement on aura deux courses en plus sur lesquelles revenir. On aura un sacré programme demain. Grand merci à toi Thomas, grand merci à vous tous Nordic Magazine, grand merci bien sûr à Christophe Vassallo pour sa présence aujourd'hui sur les ondes. Demain, on se retrouve donc pour les poursuites, toujours entre 18h et 19h sur les ondes d'RTL2 Massif de Savoie. Nous, on va se quitter, aller avec Clou, et puis on retrouvera sur les ondes tout de suite après sur l'antenne nationale Stéphanie pour la pop rock partie. Merci Thomas, à demain. Merci, salut, à demain. RTL de Massif de Savoie, les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Nordic Magazine et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude.